La Terre promise de Paul Bourget, chapitre 1er, en plein rêve. La comtesse Louise Silly avait dit à sa fille Henriette et à Francis Nérac, le fiancé de cette jolie enfant, « Marchez un peu et ne vous inquiétez pas de moi, je vous attendrai ici. Je ne veux pas que ma vieille figure vous gâte ce beau matin. » Il s'était assis sur un banc de marbre sculpté auprès d'un buisson de roses, de ces roses frêles, à peine parfumées, qui fleurissent tout l'hiver les haies de cette douce Sicile. On était vers la fin de novembre, et une lumière d'une divine transparence, si légèrement, si puissamment réchauffante, enveloppait, baignait, caressait ce jardin, cette oasis plutôt de la Villa Tasca, fantaisie de grands seigneurs hospitaliers bien connus de ceux que le caprice du voyage ou le souci d'une santé compromise ont exilé quelques mois à Palerme. C'était ce dernier cas, celui de la comtesse. Venue de Paris dès les premiers brouillards d'automne, pour achever de guérir les suites d'une fluxion de poitrine quasi mortelle, une demi-rechute l'avait aussitôt emprisonnée 3 semaines durant dans sa chambre. Elle ne recommençait guère de sortir depuis 5 ou 6 jours. Aussi laissait-elle avec délice ce soleil de 11 heures vibrer autour de sa faiblesse. Son visage creusé se ranimait de sa pâleur. La vague griserie de la convalescence rajeunissait ses joues maigrissantes, ses paupières fatiguées, son front jauni. Les reflets blonds mêlés dans ses cheveux aux reflets d'argent semblaient plus dorés, comme si, dans la femme de 50 ans, prématurément épuisée par les chagrins et par la maladie, un peu de la grâce d'autrefois allait reparaître. Sa bouche desséchée de fièvre s'ouvrait à cet air attiédi, où flottait, avec l'arôme des roses, la senteur des arbres d'essence rare dont les bosquets étaient plantés. Ses yeux bleus, d'un bleu trop brillant, comme de quelqu'un dont la vie a été atteinte dans ses sources profondes, erraient sur ces beaux arbres, pins d'Italie ou cèdres gigantesques, autour desquels un fouillis de végétation tropicale révélait l'approche de l'Afrique. Dans les massifs, des aloès pâlissants tordaient leurs poignards barbelés, des dattiers remuaient lentement leurs palmes d'un vert sombre, des cactus tendaient leurs raquettes épineuses où pointaient des fruits violets. De blanches statues brillaient dans l'interstice des verdures, et la villa elle-même, toute fenêtre close, semblait, parmi cette paix et cette clarté de la matinée, retenir derrière sa façade peinte de couleurs tendres un rêve de félicité. Dans ce décor de solitude, animé uniquement par le frisson des feuillages ou par le voile d'un cygne, dont les ailes mutilées rasaient l'eau dormante d'un invisible étang, les yeux de la mer revenaient sans cesse vers la position du vaste et lumineux jardin où se promenaient les deux fiancés. Leur pas lent, incertain, distrait, ce pas d'un couple heureux et dont les moindres mouvements s'harmonisent, s'épousent, pour ainsi dire, d'un inconscient accord, les éloignait tour à tour et les rapprochait. Ils disparaissaient, puis reparaissaient au tournant des allées. Ils marchaient, s'arrêtaient, marchaient de nouveau. Ils se regardaient, parlaient, se taisaient, si délicieusement exaltés et ravis par ce ciel bleu, cette clarté du jour, ces arbres, ces eaux, ces fleurs, par eux-mêmes surtout, par cette magie de la présence aimée qui mettrait le printemps là où règne l'hiver, et ajoutait à l'enchantement d'une heure enchantée, peu s'en faut qu'elle ne dépasse les forces de l'âme. Henriette et Francis avaient autour de leur personne ce mystérieux rayonnement que projette l'extrême bonheur. Ils étaient comme soutenus, comme soulevés par cet intime esprit de félicité que révèle chaque geste de deux êtres qui se chérissent entièrement, absolument. Jamais la taille souple de la jeune fille n'avait été plus souple, son fin sourire plus fin, jamais son visage plus délicat, ses yeux plus bleus, sa joue plus rosée, sa bouche plus spirituelle, l'or de ses cheveux plus soyeux et plus brillant. Jamais non plus la physionomie, volontiers concentrée et réfléchie, de Francis, ne s'était éclairée d'une pensée plus radieuse. La flamme noire de ses prunelles s'adoucissait pour contempler celle qui serait bientôt sa femme, dans des regards follement caressants. À la manière dont il lui donnait le bras pour la soutenir, tout le génie protecteur d'un dévouement d'homme se devinait. Elle était si jeune, si mince, si fragile, malgré ses 23 ans, qui en paraissaient à peine 18, au lieu que ses 34 ans à lui étaient bien marqués sur son masque bistré et creusé, si mélancolique parfois au repos, et transfigurée à cette minute par un magnétisme de félicité. C'était comme une vision d'un rêve réalisé que cette promenade, pour le tendre témoin qui contemplait les deux fiancés, pour cette mère qu'ils n'oubliaient pas même dans leur extase, car à chaque passage près du banc de marbre, Henriette la saluait d'un sourire et d'un regard. Elle n'eût pas détourné sa blonde tête que Madame Silly ne les en eût certes pas voulu. Mais que sa fille lui garda une place dans son bonheur, cette évidence lui était aussi réchauffante que ce soleil méridional au rayon duquel son pauvre corps se caressait pour y reprendre un peu de force, quelques années de vie encore, et elle songeait. Comme il l'aime, et comme il a raison de l'aimer, comme elle est devenue celle que promettait son enfance, si son père vivait, qu'il serait fier d'elle et fier de lui. Il me dirait qu'il est content de moi, j'en suis sûr. Il me le dira un jour, bientôt, que ce ne soit pas trop tôt cependant. En prononçant mentalement cette parole, la pauvre femme reculait de 15 ans en arrière jusqu'à l'automne, si terrible pour elle, de 1871. Au lieu du vert et silencieux jardin où passaient et repassaient ses deux enfants, comme elle les appelait en les bénissant ensemble dans son cœur, elle revoyait une chambre de malade, par un matin de novembre aussi, mais d'un novembre parisien, froid, sinistre et noir. Elles étaient là, toutes deux, Henriette et elle-même, agenouillées au pied d'un lit sous l'oreiller duquel se détachait une face douloureuse et pâle, celle du commandant Silly, qui venait de mourir. Après des mois et des mois de souffrance, il avait succombé aux suites des blessures reçues dans un des combats sous Metz. Il s'était conduit là en digne petit-neveu du fameux comte Silly, le héros de Leipzig, celui qui avait mérité d'être lieutenant dans un de ces régiments d'officiers sans régiment que Napoléon forma en Russie avec le titre d'escadron sacré. Quoique tous les Silly aient été dans l'armée depuis ce héros du Premier Empire jusqu'à l'actuel divisionnaire de ce nom, et qu'une femme de soldat doive être préparée à ces cruels sacrifices, la comtesse avait cru devenir folle d'inquiétude dès les premiers jours qui avaient suivi la déclaration de guerre. Puis, ayant rejoint son mari en Allemagne, elle l'avait ramené à Paris pour le disputer à la mort avec une passion qui l'avait, en quelques semaines, vieilli de 10 ans. À ce chevet du lit de mort du seul homme qu'elle eût aimé, elle n'avait repris le courage de vivre qu'en embrassant sa fille, l'unique enfant qui lui resta des 5 qu'elle avait eus, pauvre petite créature si fragile, si sensible, si consciente déjà de son sort de demi-orpheline. Ses larmes le disaient assez, et ses soupirs et l'étreint désespéré dont elle saisissait sa mère en lui criant « Ah, garde-moi, garde-moi !» La veuve avait rendu ses baisers à Henriette, en se jurant, en jurant au souvenir du père, de la garder en effet, de lui remplacer l'absent. Et une vie avait commencé tout de suite, pour durer des années, de retraite, de mélancolie et pourtant de douceur. Une vie de retraite car la comtesse se trouvait brouillée avec toute la famille de son mari, y compris le général Silly, pour des raisons personnelles au père du mort, mais elle les acceptait par scrupule de fidélité morale, comme le commandant les avait acceptés lui-même, et d'autre part, ses relations de monde se trouvaient réduites, par le grand deuil qu'elle ne cessa de porter que bien tard, à la plus stricte intimité. Une vie de mélancolie, car elle voulut que rien ne fût changé autour d'elle, et le petit hôtel du boulevard des Invalides, choisi jadis par l'officier comme plus voisin de la rue Saint-Dominique et de l'école militaire, commença de revêtir cette physionomie un peu passée et fanée des choses que les mains touchent pieusement, tristement, pour les caresses, et ne pas s'en servir. Une vie de douceur, car la petite fille qui allait et venait, toujours en noir elle aussi, de son pas à peine appuyé d'enfant sage, à travers ses meubles, dont chacun était une relique, ne faisait pas un geste, ne disait pas un mot qui ne trahît la plus jolie délicatesse de nature. Madame Silly en jouissait avec ce mélange de délices et de soucis dont est faite la félicité douloureuse des mères. Elles les savent si compter, les jours où elles ont leur enfant auprès d'elles, tout à elles. Tandis qu'Henriette s'occupait paisiblement au travail de ses leçons, celle-ci avait pris l'habitude de mesurer la fuite de ses 12 années au verdoiement ou au jaunissement des arbres du jardin de l'archevêché, aperçus par les hautes fenêtres des chambres du premier étage. Tantôt ces arbres frémissaient au renouveau, secouant au vent d'avril des grappes de fleurs, et la mère calculait combien de printemps reviendraient encore avant que sa fille eût ses 19 ans. D'autres fois, Le vent chassait le long des allées les débris épars de l'automne, et elle comptait les saisons écoulées depuis que le père était mort. Elle se perdait devant la petite dans des contemplations infinies, charmée tout ensemble et troublée par l'accroissement de sa taille, par la métamorphose de l'enfant en jeune fille, de la jeune fille presque en jeune femme, admirant sa grâce, son esprit, sa bonté, respirant tous les parfums de cette adorable et virginale fleur qu'elle seule connaissait, et elle prévoyait, avec une anxiété si généreusement préparée cependant au sacrifice, le moment où il faudrait se séparer d'elle. Pensez, se disait-elle, qu'il existe celui qui doit me l'apprendre, qu'il respire, qu'il marche, que nous l'avons peut-être rencontré hier, aujourd'hui, dans notre promenade. C'est pour lui que j'aurais orné ce gracieux esprit d'idées fines, pour lui ce tendre cœur de sentiments nobles. Si je pouvais l'élever, lui, pour elle, comme je l'élève, elle, pour lui. Son père répétait toujours « Elle épousera quelqu'un qu'elle aime. » Il était un homme, il savait la vie, il aurait jugé celui qui se présentera, au lieu que moi. C'est par milliers que la veuve inconsolée avait prononcé tout bas de ses monologues de sollicitude maternelle, plus fréquents et plus pressés, à mesure que le temps avance. Ils aboutissent alors à des projets caressés complaisamment, puis déjoués par une de ces rencontres non prévues, à la suite desquelles un autre nouveau entre en scène, l'inattendu, l'irrésistible amour. La comtesse Silly avait, durant ces années trop courtes à son gré, déployé son soin le plus constant à entourer Henriette d'amis irréprochables et pieuses comme elle-même. Elle s'était appliquée à graduer de son mieux la prudente reprise de ses relations de monde. Elle avait voulu que pas une des habitudes de fine aristocratie qu'elle pratiquait à l'époque de ses jeunes élégances ne fût perdue pour sa fille. Et elle avait appelé à elle tout le secours de son expérience première pour étudier avec une sollicitude passionnée les quelques jeunes gens mêlés à leur petit cercle de société. Puis ce fut d'un inconnu que son enfant se trouva éprise, de ce Francis Nérac, au bras duquel la mère la regardait se promener à présent avec une confiance si émue, presque si reconnaissante. Et 10 petits mois plus tôt, elle ne connaissait ce nom que pour l'avoir entendu mentionné par la générale de Jardes, qui était une parente éloignée du jeune homme. C'était aussi chez Madame de Jardes que la présentation avait eu lieu, par hasard, à une visite d'où Francis était sorti si troublé du charme d'Henriette qu'il était retourné le lendemain en parler à sa parente. Des incidents avaient suivi d'un ordre bien simple, bien banal, pareil à tous ceux dont s'accompagne un mariage ainsi commencé sur le subit enthousiasme d'un garçon lassé de sa solitude et auquel servent de complice la secrète sympathie de la jeune fille d'une part, de l'autre la bienveillance d'une commune amie enchantée de ce rôle d'intermédiaire. C'est un lieu commun d'observation que toutes les femmes s'y complaisent, qu'il s'agisse d'un amour légitime ou illégitime. De nouvelles rencontres, plus ou moins adroitement préparées, le constant et long éloge de Francis fait par Madame de Jardes, la présence du jeune homme dans tous les endroits où il pouvait s'approcher de Mademoiselle Silly sans que personne commentât ses assiduités, un changement plus marqué dans les manières d'Henriette, si visiblement préoccupée et bouleversée, tels avaient été les ingénus, les naïfs épisodes de ce petit roman. Chacun représentait pour la mère une émotion profonde et une suprême, l'entretien qu'elle s'était décidée enfin à provoquer avec sa fille. Cette dernière avait avoué le secret nouveau de son cœur, sans hésiter, mais tremblante comme en ce moment tremblaient au-dessus du banc de marbre les feuilles d'un frêne pleureur agité doucement par la faible brise. Elle aimait Francis. Et quoi ? Sans rien savoir de lui davantage ? Sans qu'un mot d'entente eût été échangé entre eux ? Par quelle mystérieuse correspondance de sentiments ? Madame Silly se rappelait s'être posé ces questions avec effroi dans la nuit qui avait suivi cet aveu, et devant cette première émotion de sa fille qui n'était plus à elle seule, elle avait éprouvé une de ces jalousies morales, si profondes, si passionnées, plaies saignantes des plus nobles mères, et si profondes qu'elles sont impossibles à guérir, sinon par la vue de la félicité absolue de leur enfant. Oh, comme la comtesse avait prié cette nuit-là, comme elle avait demandé un secours d'en haut qui lui marqua son devoir. Avec quelle prudence et quel tremblement intérieur elle aussi, elle avait, sur le conseil du père Juvigny, le vieux dominicain, son directeur, procédé à une enquête comme tous les parents en ont fait de tous les temps. Hélas, S'il fallait une preuve pour démontrer combien le sort des plus prudents est dominé par un pouvoir incompréhensible et ingouvernable, où la trouverait-on mieux que dans cette incapacité d'un père et d'une mère, même bien vigilants, à connaître avec exactitude la vie et le caractère de celui qui doit faire tout le bonheur ou tout le malheur d'une enfant idolâtrée et préservée pendant des années. Madame Sihy s'adressa de droite, de gauche, dans des visites qui furent comme les intermèdes comiques de ce drame sentimental. N'est-ce pas un drame, en effet, et de l'intérêt le plus poignant qui se joue dans ces entretiens où d'un mot prononcé à la légère dépendront deux avenirs dont l'un est si dépourvu de défense? Et voici le type des réponses obtenues après d'infinis détours de causerie. Monsieur Nérac avait dit à la comtesse Madame d'Avançon, la femme de l'ancien diplomate, un charmant garçon, avec une très jolie fortune, ce qui ne gâte rien. Il est resté 10 ans dans la carrière. Il allait passer premier secrétaire et il vient de démissionner comme monsieur d'Avançon à cause de ce gouvernement. C'est dommage. Et la digne dame, clouée sur son fauteuil à roulettes par une crise de ses douleurs, avait continué par une tirade sur l'état de choses actuelles, renouvelée de son mari de qui elle adoptait les moindres idées, quoiqu'elle le détestât, par une contradiction assez fréquente dans les mauvais ménages. On se hait du fond du cœur, et la force de l'accoutumance est telle qu'on arrive à se ressembler intellectuellement, quelquefois physiquement. Par quel procédé la mère la plus habile pourrait-elle, sans éveiller des défiances, ramener sur la ligne désirée une conversation qui dévie ainsi? Elle n'ose plus formuler aucune question, mais elle calcule que M. d'Avançon essaie d'oublier l'enfer conjugal, en menant à 60 ans la vie de cercle, et qu'il doit rencontrer Francis Nérac dans des endroits où la vérité des mœurs se décèle mieux que dans le monde, et elle parvient, grâce au développement du plus subtil machiavélisme, à provoquer cette autre déclaration. Francis Nérac, un charmant garçon, une très jolie fortune. Je le vois cette année-ci au petit club. Au moins avec celui-là on peut causer d'autres sujets que des courses et du tirage à 5. Et une dissertation suit, dans laquelle le plus intransigeant de nos vieux beaux s'abandonne à sa colérique envie contre la génération présente. Il y entremêle de son côté des observations et des idées de sa femme, mais il oublie complètement Nérac. À la 10e expérience de ce genre, force est bien à la pauvre mère de s'avouer que le mieux est encore de s'en rapporter à ceux qui connaissent son gendre possible depuis l'enfance. Et celle-ci avait fini par échouer chez Madame de Jarde, laquelle était trop intéressée au bon aboutissement de sa petite intrigue pour ne pas défendre son cousin. Madame Sihy la savait très honnête femme, et elle avait posé à sa loyauté 2 questions qui, pour elle, étaient les plus angoissantes. « S'il est religieux, » avait répondu la générale, « peut-être ne pratique-t-il pas assidûment. Vous savez, ma chère Louise, les jeunes gens se laissent aller. Mais qu'il ait des principes excellents, j'en réponds. D'abord, sa démission le prouve. » Et puis j'ai connu sa pauvre mère et sa sœur. Elles sont mortes, comme 2 saintes. Pour l'autre chose, c'est plus délicat. Vous comprenez qu'il ne m'en a jamais parlé. Mais je suis sûr d'abord qu'il est libre. C'est un homme d'honneur et il n'aurait pas pensé à Henriette s'il ne l'était pas. Je suis sûr aussi qu'il n'a jamais eu de liaison affichée, du moins à Paris. L'écho m'en serait arrivé. Et comme voici des années qu'il était à l'étranger... Que ces conversations et d'autres analogues étaient loin. Cependant, elles ne dataient que du printemps. Encore aujourd'hui, et quand elle repassait en esprit les semaines décisives de juillet qui s'étaient terminées par les fiançailles de Francis et d'Henriette, Madame Sihy s'étonnait elle-même de la rapidité avec laquelle avaient marché des événements dont elle avait toujours pensé qu'ils seraient si lents, au contraire, si compliqués, si réfléchis. Mais elle se sentait faible depuis bien longtemps. Et elle appréhendait avec tant d'anxiété de laisser sa fille sans protecteur. Elle la voyait, elle qui connaissait l'histoire entière de ce cœur depuis sa première émotion, sincèrement, profondément envahie par un amour aussi entier qu'il avait été rapide et inattendu. Elle savait que chez Henriette les sentiments n'étaient pas chose d'une heure, et cet amour une fois déçu, elle tremblait que la ferveur religieuse de la jeune fille ne la tournât vers quelque autre résolution. Elle avait tant de fois deviné quel attrait de mystique asile le couvent exerçait sur cette imagination tendre. Elle croyait deviner d'autre part dans Francis un homme rare, une irréprochable vérité de cœur. Quoique bien étrangère aux préoccupations de convenances mondaines, elle ne pouvait s'empêcher de calculer que ses enfants auraient tout de suite à eux deux plus de 60 000 francs de rente. Enfin, elle avait dit « oui », et comme pour donner raison à ses inquiétudes sur sa propre santé, à peine son consentement était-il accordé, qu'elle tombait malade. Le médecin, qui avait d'abord parlé d'un simple refroidissement, diagnostiqua bientôt les plus dangereuses complications. Elle s'était couchée dans les derniers jours de juillet, comptant se relever, comme il lui arrivait pour ses rhumes habituels, vers la fin de la semaine. Elle était encore enfermée au milieu d'octobre. Les arbres du jardin de l'archevêché, qui avaient si longtemps tenu compagnie à ses solitudes, étaient ouverts lorsque le premier frisson de fièvre l'avait secouée. Quand elle put venir jusqu'à la fenêtre, elle vit que toutes les feuilles étaient touchées par l'automne, comme elle venait d'être touchée elle-même par la mort. Mais comment se plaindre de cette maladie qui lui avait permis de juger définitivement Francis? Quand les docteurs avaient formulé la nécessité pour elle d'un séjour d'hiver dans le Midi, et le plus lointain, le Caire, Alger, Madère ou Palerme, avec quelle délicatesse le jeune homme avait effacé ses droits devant les nouveaux devoirs que cette situation créait à sa fiancée. Cette dernière lui avait demandé que le mariage fût reculé jusqu'au printemps prochain, afin de pouvoir consacrer ce dernier hiver sans partage à l'entier rétablissement de sa mère, et il avait mis tant de grâce à y consentir. C'était lui qui avait conseillé Palerme qu'il connaissait, lui qui était venu préparer un appartement pour la comtesse, lui qui l'avait installé, puis il était retourné à Paris pour ne reparaître que rappelé par la malade, et si dévoué, si scrupuleusement attentif à ne jamais mettre leur amour entre Henriette et sa mission filiale. Et par ce beau et clair matin, où elle se sentait renaître, la malade laissait s'épanouir en elle, avec un espoir de ne pas s'en aller encore, une infinie reconnaissance pour ce qu'elle avait pu lire dans ce cœur de jeune homme. « Mon Dieu, puissé-je vivre ?» se répétait-elle, « et ne les quitter que plus tard. » Elle les regardait de nouveau marcher dans l'allée, tandis que les vertes palmes semblaient s'incliner sur eux pour les protéger, et que le vent éveillait dans les pins le vague murmure d'un océan endormi. Son âme s'échappait d'elle pour les suivre, pour leur souhaiter un ciel intérieur aussi caressant toujours, aussi bleu que celui qui les enveloppait à cet instant de son lumineux azur. Elle savait, quoiqu'elle n'entendît pas même le bruit de leur cher bois, qu'ils l'associaient de leur côté au charme de cette promenade, et c'était vrai qu'en se parlant d'eux, ils se parlaient d'elle. Ils la mêlaient si naturellement à l'avenir dans lequel ils avaient cette confiance enivrée de ceux qui s'aiment d'un amour permis. Oui, quel rêve ils réalisaient dans ce cadre de paradis, elle si tendre, si fière, n'ayant connu de la vie que ses heures pures, lui encore assez jeune pour ne pas craindre de vieillir avant elle, assez éprouvé par les passions pour savoir le prix de ce qu'il avait rencontré dans cet être pour lui unique. Et ils causaient, ou mieux, ils pensaient, ils sentaient tout haut, ne cherchant pas leurs paroles, mais chaque phrase avait pour eux la secrète, la pénétrante magie de l'intimité toute prochaine. Rien que le son de leur voix leur faisait savourer d'avance d'innombrables minutes d'amour, comme en allant et venant dans le jardin, ils respiraient l'arôme de toutes les fleurs et de tous les feuillages qu'ils ne voyaient pas. « Comme Madame Silly a déjà changé depuis les 8 jours que je suis ici, » disait-il. « Quand je les retrouvais de nouveau si pâles, si faibles, j'étais bien troublé. Je venais d'avoir une telle déception en revoyant Palerme du bateau, toute grise sous une pluie battante. »« C'est vrai, » reprit Henriette, en regardant devant elle avec des yeux où Francis put lire le ressouvenir de cette récente angoisse. « Vous n'avez guère été favorisé pour votre voyage. Après les premiers beaux jours que nous avions eus, nous étions si tourmentés quand nous voyions par nos fenêtres la mer si mauvaise avec ses énormes vagues. Maman et moi, nous ne nous disions rien, mais je savais que nous avions la même idée. Elle était encore trop souffrante. C'est cette inquiétude qui l'avait rendue plus malade la veille de votre arrivée. Elle est si sensible et elle vous aime tant. « Chère mère, » dit le jeune homme en serrant le bras de la jeune fille. « Si seulement nous avions su où vous envoyer une dépêche à Naples, » continua-t-elle. « Quand on nous a remis la vôtre, j'ai eu un éclair d'espoir que vous reculiez votre départ à cause de la tempête. J'avais bien envie de vous revoir cependant. C'était 9 heures, vous étiez en mer. Que le vent de cette nuit-là m'a paru terrible. Je l'écoutais et je priais. Je pensais aussi à ma pauvre maman. et à ce qu'elle a dû éprouver pendant cette affreuse guerre. Oubliez cela, dit-il en l'interrompant. Il avait si peur qu'elle n'évoquât des souvenirs d'enfance demeurés vivaces en elle et qui lui mettaient toujours un tremblement mouillé au bord des paupières. « Oui, insistait-il, oubliez cela, comme je vous promets que nous ferons oublier à votre mère tous ses chagrins, les lointains et les récents, les grands et les petits. Si elle m'aime un peu, vous savez que moi je l'aime beaucoup. Je lui garde une telle reconnaissance de vous avoir faite celle que vous êtes. Je l'aurais trouvée hostile à notre mariage, que je la lui vouerai encore, cette reconnaissance, rien que pour avoir rencontré en vous ce que j'y ai rencontré, la vivante preuve que les rêves les plus beaux de la jeunesse ne manquent pas toujours. « Taisez-vous, » interrompit-elle à son tour en rougissant. Il lui mit sur la bouche sa main demeurée libre qu'il baisa à travers le gant. « Vous allez recommencer de me flatter, ce qui n'est pas bien. » Et vous oubliez de regarder ces beaux pins d'Italie dont j'aime tant la silhouette et ce sombre bouquet que font leurs branches là-haut, ce bel vaso, comme nous disait le jardinier qui m'a montré la villa le premier jour. Est-ce assez cela, et comme ils sont ingénument artistes dans cet étrange pays? Mais la Sicile est trop loin. Si nous pouvions trouver l'année prochaine, pour y passer l'hiver, une propriété qui eût un parc, avec des arbres comme ceci et cette lumière, mais plus près de Paris, pour que le voyage fût moins fatigant, en Provence ou sur la côte de Gênes. Je vous ai promis de m'arrêter là quand je retournerai en France et de chercher, repartit Nérac. Je suis si heureux que vous aimiez la même espèce de nature que moi et de la même façon. Mais avez-vous remarqué, l'autre jour encore, au musée, quand je me suis arrêté devant l'Hercule qui tue la pauvre Amazone, et sans que vous m'en eussiez parlé, comme nous avons ainsi les mêmes goûts en toutes choses, si instinctivement. « C'est encore vrai, » dit Henriette. « Les mêmes, tout à fait les mêmes. Mais je le savais si bien dès le premier jour que je vous ai vu. »« Et à quoi » demanda-t-il. « Est-ce qu'on se rend compte ?» fit la jeune fille. « Mais j'étais sûre, quand je suis venue dans ce jardin pour la première fois, que vous le préféreriez à tous les autres. Je n'ai pas lu beaucoup et je ne suis qu'une ignorante. Je suis certaine que du premier coup, « je saurai d'un livre si vous l'aimerez. »« C'est si pénible, » reprit-il, « lorsqu'entre deux êtres il n'y a pas cette harmonie, cet intime accord. Au lieu qu'il m'est si doux de penser que vous êtes ma femme, vraiment ma femme, vous comprenez? Un cœur fait justement à la ressemblance de mon cœur. »« Et vous, mon fiancé, » répondit-elle à mi-voix, « mon cher fiancé. » »« Et pourtant, » continua-t-il, « ce profond accord me rend quelquefois presque triste. » « À quoi cela tient-il que nous soyons ici ?»« Je pense que j'ai si bien failli ne pas vous connaître. Si je n'avais pas quitté ma carrière, si en la quittant j'étais venu m'établir en Italie comme je n'avais l'intention, si je n'étais pas allé chez Madame de Jarde ce mercredi, si nous ne nous étions pas rencontrés ce jour-là. »« Je n'admets pas tout ceci, » interrompit-elle en riant, avec une mutinerie de son joli visage. « Nous ne pouvions pas ne pas nous rencontrer. » »« Si, cependant. » reprit-il. Je comprends bien que c'est insensé, répondit-elle, avec une bouche redevenue sérieuse et songeuse, mais je sais que je ne me serai jamais mariée. Ils s'arrêtèrent pour échanger un long regard. Il lut à travers ses beaux yeux bleus jusqu'au fond de cette âme qui était à lui. Dans cette chère âme, tout était candeur et vérité. Il n'y avait pas un repli où il ne devinât la plus irréprochable, la plus passionnée des tendresses. Sur ce cœur virginal, rien n'avait jamais passé, pas un frisson, pas une ombre. Autour de leur silence, les palmes continuaient de palpiter, le vent de murmurer dans les pins, les buissons de roses et les citronnelles d'exhaler un léger parfum vaguement musqué, l'ombre des feuillages de trembler sur les marbres, le cygne d'errer sur l'eau dormante, le soleil de rayonner dans le vaste ciel. Ils étaient si seuls dans ce tournant d'allée, si loyalement, presque pieusement seuls, avec la présence bénie de la meilleure des mères à côté de leur amour comme pour le sanctifier. Francis attira sa fiancée contre son cœur, et il posa ses lèvres sur ce front qu'aucune pensée mauvaise n'avait jamais traversé, pas même effleuré. Il se sentit alors si heureux que ce bonheur trop complet, trop absolu, dépassa tout d'un coup les puissances de son être et lui fit mal pour la première fois, et tout bas il dit à sa chère aimée, comme elle lui permettait de l'appeler quelquefois à des minutes pareilles. Nous sommes trop heureux. J'ai peur. » Elle ne répondit rien d'abord, mais il vit distinctement une angoisse passer dans ses douces prunelles, un frémissement courir autour de ses lèvres à demi ouvertes. Les paupières de la jeune fille battirent, son sein palpita, puis, le regardant de nouveau, bien en face, elle fit un effort pour dominer son impression, et avec un sourire de courage. « Moi aussi, quelquefois, dit-elle, j'ai peur d'être si heureuse. Mais il ne faut pas. Quand on n'a rien sur la conscience, n'est-on pas avec Dieu ?» Francis Nérac devait souvent se rappeler par la suite l'étrange impression d'anxiété qu'il avait fait tressaillir ce matin-là, ce dernier matin de leur joie complète, et qui avait trouvé un tel écho dans sa fiancée alors que toute chose autour d'eux paraissait s'harmoniser entièrement, absolument avec leur cœur. Ils ne pouvaient en aucune manière soupçonner le danger qui menaçait cette paix bénie de leur amour à cette heure même. Eurent-ils donc là, tous deux, une de ces préciences dont notre scepticisme sourit, quoique des hommes, qui s'appelaient Napoléon et Goethe, aient cru possible cette divination de l'avenir à de certaines minutes exaltées? Cédèrent-ils simplement à cette angoisse de la joie, phénomène singulier mais indiscutable, où il entre à la fois de la lassitude nerveuse sous le coup de la sensation trop forte et une vue trop juste des retours assurés du sort? Ne semble-t-il pas que nous portions tous en nous un instinct de cette grande loi humaine, figurée dans un symbole tragique de l'Antiquité par la Némésis, par la funeste puissance des compensations fatales dans laquelle les Grecs ont incarné moins encore la justice que la jalousie des dieux? On peut certes donner une apparence d'explication naturelle à toutes les appréhensions de cet ordre, et ajouter que d'ailleurs la plupart des pressentiments sont démentis par les faits. Mais lorsque ces faits, au contraire, les justifient par une concordance inattendue et comme foudroyante, le moins superstitieux ne saurait se retenir de trembler. Nous croyons entrevoir derrière le hasard extérieur des circonstances le mystère d'une destinée, et, si vulgaire que soit la forme de cette révélation, nous en demeurons, pendant une seconde, remués jusque dans la racine de notre être. Pour Francis, le saisissement devait être d'autant plus fort qu'il avait toujours eu à lutter contre cette disposition au fatalisme qui, éclairée et dirigée par la foi, aboutit chez les âmes d'espérance et de résignation à la croyance dans la Providence, principe premier de toute vie vraiment religieuse. Pour le jeune homme, et quoique élevé pieusement, il eût gardé ce christianisme d'apparence propre à sa classe et à son temps, la religion n'était que la plus noble des hypothèses. Sa providence, c'était les beaux yeux bleus de sa fiancée, et tandis qu'il marchait seul, au sortir du jardin de la Villa Tasca, par les rues de Palerme, blanche de raies de soleil et noire de raies d'ombre, il n'eut pas besoin d'effort pour oublier ce vague frisson de peur devant l'avenir qui allait le reprendre si vite, mais cette fois causé par le plus déterminé des motifs. Pour le moment, il ne gardait de sa promenade de la matinée qu'une sensation délicieuse. Ayant quelques commissions à exécuter, il avait laissé Henriette et Madame Silly regagner en voiture l'hôtel Continental où ils habitaient tous les trois. Il suivait les trottoirs d'une des deux longues rues qui se coupent à la place dite des Quattro Canti et divisent Palerme en quatre segments presque égaux. Jamais il n'avait goûté plus vivement le charme exotique de cette ville qui tient de l'Orient, de l'Espagne et de l'Italie, avec ses fontaines dans le style rococo chargées de statues, avec ses étroites boutiques dont les marchands se tiennent silencieux et indifférents comme dans les bazars turcs, avec ses palais brodés de sculptures, avec ses madones et ses christs prisonniers de niches qu'éclaire un lumignon toujours allumé, avec le passage de ses voitures chargées de fenouil et peintes de scènes barbarement coloriées. Et quelle scène! Médor et Angélique, Godefroy de Bouillon escaladant Jérusalem, Garibaldi haranguant l'Émile. Jamais non plus le jeune homme, une fois franchi l'arc de triomphe sans fronton dressé pour le char de Sainte-Rosalie, n'avait davantage admiré la ligne si large et si noble du golfe. Arrivé sur la porte de l'hôtel qui donne sur ce quai tout contre l'adorable jardin de la Villa Giulia, il se retourna pour regarder par-delà l'emmêlement des agrès du port, cette mer si bleue, avec la silhouette nue et rouge du mont Pellegrino, voué lui aussi à Sainte-Rosalie. Certes, son pressentiment était bien oublié, et il ne se doutait guère que ce regard d'enthousiasme pour le beau paysage était aussi un regard d'adieu, adieu à ses journées de parfaite tendresse, adieu à cet abandon dans le plus cher espoir, adieu au rajeunissement de toute son âme souhaitée, commencée déjà, adieu au paradis idéal du bonheur permis. Le plus simple des incidents allait suffire à bouleverser ce château de rêve où il s'abritait depuis 6 mois et à le remettre en face d'un tourment moral aussi cruel que ceux dont la trace se reconnaissait trop souvent à l'expression de sa bouche et de ses yeux. Ce fut rapide et simple comme un de ces accidents terribles, déraillement de chemin de fer, tremblement de terre, effondrement d'une maison, dont la survenance en pleine sécurité est d'autant plus effrayante qu'elle est plus subite. En entrant sous la voûte de l'hôtel, Francis Nérac vit que le concierge était en train de classer les lettres arrivées par le bateau du matin. Cet homme, un gigantesque Allemand, à la longue barbe blonde, méticuleux et polyglotte, vêtu d'une somptueuse livrée et coiffé d'une large casquette flamboyante d'or, maniait les enveloppes comme un joueur manie les cartes, avec une dextérité de prestidigitateur. Son crayon rouge griffonnait sur chacune le numéro de la chambre du destinataire, et plusieurs personnes se tenaient autour de lui, attendant qu'il eût fini cette besogne, avec cette avidité inquiète et presque maladive de correspondance qui distingue particulièrement les bureaux de poste dans les îles où la rareté des courriers en exalte le désir. Toutes les figures de ce petit tableautin cosmopolite, auquel il était pourtant très habitué, que deux fois Francis les revit depuis, associé qu'elles étaient au coup de surprise qui le frappa dans cet instant-là. Au lieu de monter droit dans sa chambre, il s'arrêta machinalement pour attendre lui-même ses lettres, et non moins machinalement, il se mit à parcourir des yeux la pancarte où se trouvaient affichés les noms des voyageurs descendus à l'hôtel. Tout d'un coup, il sentit son cœur battre plus vite. Une émotion presque de terreur lui serra la gorge. Ses jambes tremblèrent. Il se rapprocha du tableau pour relire, parmi ces noms qu'il connaissait presque tous, l'avant-dernier inscrit, celui d'une personne débarquée sans doute depuis quelques heures ou de la veille. Madame Pauline Raffray, avec la petite note, et sa famille. Puis, comme indication du lieu d'origine, château de Molenbeuz, par Arbois, France. Le jeune homme demeura ainsi quelques secondes, comme hypnotisé par ces syllabes auxquelles il paraissait ne pouvoir pas croire. Puis, comme le concierge, enfin délivré des impatients, sortait de la loge, le paquet des lettres à la main, pour s'occuper de la distribution, il l'appela pour lui montrer ce nom. Rien que de le prononcer lui faisait sans doute un peu de mal, car il dit simplement « Je n'avais pas vu que cette dame fût ici encore. Est-ce qu'elle est arrivée aujourd'hui ?»« Elle est venue par le train de Messine hier, » répondit le géant. « C'est bien une Française, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Elle n'est pas seule ?»« Non, monsieur, elle a une petite fille de 8 à 10 ans et 2 femmes de chambre avec elle. »« Je voudrais bien savoir si c'est celle que je connais, » dit Francis, et s'apercevant de ce que cet interrogatoire avait d'étrange, il ajouta, pour dérouter par une fausse demande, la curiosité d'ailleurs peu vraisemblable de son interlocuteur, et obtenir cependant son renseignement. « C'est une femme âgée et très grande ?»« Âgée, non, monsieur, » reprit l'Allemand. « 30 ou 35 ans peut-être, on ne sait pas, elle a l'air si malade. Elle est plutôt petite et mince, au contraire. »« Allons, » se dit Francis en commençant de monter l'escalier. « Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. C'est son château, son nom, son prénom, son âge, l'âge de sa fille, c'est elle. » Il se répétait ce nom de Pauline Raffray en montant les 2 étages d'escalier qui devaient le conduire à sa chambre. En toutes circonstances, il eût été troublé profondément par l'annonce qu'il se trouvait sous le même toit que cette ancienne maîtresse, car une ancienne maîtresse possède seule le pouvoir de bouleverser à ce degré un fiancé aussi épris que l'était celui-là. Mais apprendre cette présence ainsi, presque à la minute où Henriette et lui venaient d'être frappés par cette étrange appréhension d'un malheur inconnu, devait accroître singulièrement ce trouble, d'autant plus que ce nom de Madame Raffray ne lui rappelait pas seulement l'épisode le plus passionné de sa jeunesse, il lui représentait la créature dans laquelle il avait cru deviner les plus noirs abîmes de perversité, celle qui lui avait été la plus funeste, le mauvais génie de tant d'années de sa vie, celle aussi pour laquelle il avait été le plus implacablement dur, presque cruel. Et cette femme venait d'arriver à Palerme, quand il existe tant d'autres villes d'hiver, dans cet hôtel, quand à Palerme même il existe tant d'autres hôtels et de plus célèbres, et à quel moment? Quand il se trouvait là, dans ce coin retiré du monde, où il avait le droit de se croire bien caché auprès d'une jeune fille qu'il aimait, dont il était aimé, qu'il allait épouser. L'idée d'attribuer cette présence à quelque plan d'action inconnu et redoutable devait venir et vint aussitôt au jeune homme, dont la sensibilité naturellement très vive était encore surexcitée par le ravissement de cette promenade de la matinée. Cette folle idée s'empara de lui, dans le temps qu'il mit à monter jusque chez lui, avec la peur et le demi-égarement d'une panique irraisonnée, maladive, irrésistible. Ce fut au point qu'il avait le visage tout altéré quand il entra dans le salon particulier où il prenait tous ses repas, en compagnie de Madame Silly et de sa fiancée. Il lui fallut subir la sollicitude inquiète de cette dernière. Il lui fallut, pour la première fois, dissimuler et attribuer son changement de physionomie et d'humeur à une migraine causée par le soleil, lui qui, depuis des jours, vivait avec Henriette cœur à cœur dans une communion si constante de leurs pensées. Il lui fallut voir sur ce doux et tendre visage la plus amoureuse inquiétude et l'impression de malaise que lui donna cette nécessité de mentir jointe à l'anxiété dont il se sentait invinciblement dévoré, lui fut si insupportable qu'il dut se retirer dans sa chambre pour toute l'après-midi sous le prétexte de son indisposition grandissante. Il voulait à tout prix ramasser sa pensée et regarder bien en face les données du problème que lui posait, d'une manière pour lui tragique, cette arrivée soudaine et dont il n'admettait pas une minute qu'elle ne fût point intentionnelle. Mais comment faire cet examen sans évoquer tous les événements, toutes les sensations aussi d'un passé qui contrastait trop cruellement avec celui dont la mère d'Henriette avait caressé dans sa rêverie, quelques heures plus tôt, les délicates et naïves images. Ah, quelle tristesse de sentir l'âcre amertume d'un coupable et mauvais amour que l'on a voulu, que l'on a cru fini, nous inonder à nouveau l'âme à l'instant même où cette âme s'enivrait, jusqu'à l'extase, des joies d'un autre amour, tout lumière et toute espérance. Et cependant, gémissait Francis, une fois seul et libre de s'abandonner au cours de ses souvenirs, après tant d'années, est-ce que je ne dois pas être aussi mort pour elle qu'elle est morte pour moi ?